comme tout bon MC qui se respecte, il faut que je fasse des remerciements. Mais j'ai décidé de faire une track avec ça. Écoute ça! C'est pas juste à cause que j'ai fait un album que je vous remercie. Je remercie des gens parce qu'ils m'ont soutenu dans ma vie. Je commence par mes parents, normal, ils m'ont procuré. Ils m'ont toujours laissé le choix de faire de ce que j'ai rêvé. Je remercie Matrix pour avoir enduré mon ordi. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps, mais là c'est fini. Je remercie les Wack MC, merci, vous m'avez fait rémontrer que c'est pas donné à tout le monde, ça vaut écrire. Merci à Thierry Nibs pour ton dévouement. Tout de suite t'as cru en moi, t'as donné ton 100%. Merci à Mike, tu sais, c'est le début de l'agence. Check cette piste de danse, j'ai des jeux dans tous les sens. Merci au piano, mon père, que j'ai volé sans remplacer. Merci Vicky pour ton talent, pour ta voix, faut pas lâcher. Merci Charlie B, oups, c'est avec vous que j'ai commencé. Je garde des bons souvenirs, c'est loin d'être terminé. Merci à Raz pour ta critique, ton opinion pas trop pâtée. Merci à ceux qui ont cru, merci à ceux qui se donnent pour le rap. Il faut qu'on continue. Puis merci à tous ceux qui écoutent ça en ce moment. Je lâcherai pas, promis, j'irai toujours de la fin. C'est des principaux, les oublis flash des autres. Je brise les limites, les parasites. C'est à Ogunquick, les chiquitos merci. Fait que je le rap dans mes lexiques. Mes mots, faut que les mastiques. Fais pas comme une anorexique. Des Wack MC des gueules, comme une boulimique en panique. Fantastique de pas voir l'organique. D'une obèse magnifique, je manie le mix en mimique. Je m'implique sans que je tombe en fantastique. Je fais pas de gymnastique, ça mérite. Fait que je me fais taille drastique, rien de dramatique. Parce que je kick une meilleure shit. C'est sur un beat de kit que je débite le best de mes hits. Away, vite des cristaux merciques. Ça traite touristique comme le Xenny. Fait dans l'esprit pour épater les kids. Mais on retourne dans ta chick, te donne une cité sur ma blacklist. Parce ta shit elle reste toxique. Continue solo pour une tune cachée. Pas besoin d'acolyte. Demi-acolo en tant qu'un petit délai. J'veux pas de réplique. Applaudis pas trop. Ça va te donner des tendinites. Entre Xenny, y'a pas assez de rap québécois ici.